Hey. Yeah. Hey. Hey. Hey. Hey. Ah. Yeah. Tu parles mais tu miraves. Hey. Après tu se prends pour un freud. Puis les négocie le virage. Hey. Visage tatoué comme un pull. Chassec fait mal à la tête. Bientôt on passe à la caisse. Mais c'est pas longue vie, je veux une belle mort. Jamais je pars à la traîne. Je lis Zarathoustra, je me demande pourquoi je tue personne. L'araignée dans la cage comme brésilien comme Anderson. Pas de couteau dans le dos mais ma wachi guérit. Fuck une Californie, fuck un Katy Perry. J'arrive Bertrand quand un frelon frappé méthodique. Je regarde la mort dans les yeux comme un nécrophile. Dans la métaphysique comme un démocrite. Brave insolite, formation tard les thermopiles. Je bouillave tous les jours mais rien que je ralasse. J'écoute pas leurs histoires, manque un peu de panache. Jeune pétasse tout droit sorti d'un Bram Stoker. J'fais un pincement de jambes, t'as des pincements de cœur. Réaliste, appelle ça cynique. Sainte violent, trouble clinique. J'suis l'antéchrist en basilic. Rien à foutre d'une Patek Philippe. Si j'me lève, j'vais faire un killing. Ah! Griffe de tigre à la ceinture. Jeune Pablo dans la peinture. Descendant du peuple le plus mauvais. Êtres humains sont des buts, j'leur souhaite. Crever de maladies pulmonaires. Vraiment. Si Dieu n'est pas mort, ma gueule, j'attends le coup. Me donne pas ton avis, tu connais rien comme un couge. Mensonge dans l'établissement. Clairvoyant, j'ai le talisman. Contredis la doxa, tu passes inaperçu comme un viol au Pakistan. Mensonge dans l'établissement. Clairvoyant, j'ai le talisman. Contredis la doxa, tu passes inaperçu comme un viol au Pakistan.